أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نحن على أبواب عاشوراء، وهذا يعني من عادات المسلمين معروفة تعظيم يوم عاشوراء، هو العاشر من محرم ويوافق يوم الاثنين. يسن الصيام، يسن الصيام ويصوم معه الأحد إن شاء. إذن نتذكر بعض الأشياء اللي حصلت في هذا اليوم. الرسول أمر استحبابا لصومه شكرا لله تعالى، ومن هذا أخذ العلماء أدلة أنه يعني يستحب شكر الله تعالى على النعم التي أنعم بها، ويتجدد ذلك الشكر في نظير ذلك اليوم. فقالوا هذا دليل على عمل المولد، لأن المولد هو شكر لله سبحانه وتعالى، شكر لله على نعمة يعني إظهار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل من الأدلة على عمل المولد. إذن حصلت أشياء في عاشوراء. الرسول قال: نحن أولى بموسى منكم، لليهود، لأن موسى مسلم، كل أنبياء دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نجى الله سيدنا موسى من فرعون، دونك اون ا دي دونك عاشوراء سي ان تراديسيون chez les musulmans de glorifier le jour de Ashura, et ça sera le lundi, comme on a dit. Ça, c'est le 10 de premier mois lunaire, et ça tombe le lundi. Il est recommandé, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a recommandé de le jeûner, de façon recommandée. Et c'est bien de jeûner un jour avant aussi, parce que le Rasul a dit: « In ishtu ila qabil la usamunna at-tasa » Le Rasul mata, alayhi salatu wasalam. مخالفة لليهود. البروفيت قال: si je serai vivant je jeûnerai le 9. C'est un jour, parce que Ashura c'est le 10, un jour avant. Pour ne pas c'est pour, c'est-à-dire ne contredire les mécréants, parce que eux ils jeûnent aussi ce jour-là. Le prophète veut jeûner un jour en plus. مخالفة لليهود لأنهم يصومون فالرسول يزيد يوم. Et il a dit aux mécréants, il a dit: mais c'est nous sommes prioritaires sur Moussa. Parce que Moussa, il est musulman. Et c'est pour ça qu'il a dit de jeûner, parce que Dieu a sauvé Moussa, accordé la victoire à Moussa contre Pharaon. C'était le jour de Ashura. Pharaon, il a été noyé. Le prophète, il a jeûné pour remercier Dieu. Et de là, les savants, ils ont dit: c'est bien de faire une chose pour remercier Dieu. Et ça se répète chaque année, au jour semblable de ce jour-là où il y a eu des bienfaits. Et c'est pour cela qu'ils ont dit: ça, c'est une preuve que c'est bien que les musulmans ils commémorent la naissance du prophète, Maulid Nabawi. Parce que ça se répète, parce qu'on remercie Dieu, parce qu'il a accordé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les grands savants, ils ont dit: le fait de le prophète et la jeûner Ashura, c'est une preuve pour nous que c'est bien de faire Maulid Nabawi, commémorer la naissance du prophète alayhi salatu wasalam. إذن حصلت أشياء كذلك أخرى. نجى غفر لآدم، غفر معصية آدم، معصية الصغيرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا كان في عاشوراء. سيدنا آدم فعل معصية صغيرة وتاب الله، لا ليس كما يقول الكفار معصية كبيرة وكذا، معصية صغيرة لما اقترف آدم الخطيئة، قال عليه الصلاة والسلام معصية صغيرة وتاب منها، كان هذا في غفر الله له وسأل الله بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في عاشوراء، غفر الله له تاب عليه. اي aussi il s'est passé que quand Adam il a fait le petit péché, c'est un petit péché on dit, il a mangé du fruit de l'arbre duquel Dieu lui a interdit et Dieu lui a pardonné, c'était le jour de Ashura. Il a demandé à Dieu par le degré du prophète Mohammed, parce qu'il a vu que c'est marqué le nom du prophète, il sait. Donc il a su que c'est Mohammed, c'est la meilleure des créatures. عَرَفَ أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدٌ أَفْضَلُ الْخَلْقِ دَنَا مَكْتُوب رَآهُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ. Dieu lui a pardonné, c'était le jour de Ashura. وحصلت أشياء أخرى، نجى سفينة نوح، نوح رابع الأنبياء، سيدنا نوح رابع الأنبياء، أول أنبياء آدم، بعد شيث، بعد إدريس، كلهم دعوا للإسلام، كان الناس أمة واحدة، حصل الكفر بعد 2000 سنة، بعد وفاة إدريس، فلما حصل الكفر بين الناس أرسل الله سيدنا نوح، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. Donc aussi avec Nuh, Dieu a fait, c'était le jour de Ashura quand le déluge il s'est arrêté et le bateau il a stationné sur le mont Al-Joudi. Wastawat al-Joudi, c'est cité dans le Coran. Et donc, on a dit, pendant 2000 ans, il y avait des musulmans. À l'époque du prophète Adam, Shit et Idris, tous les humains étaient musulmans. Après, des gens sont devenus mécréants. Quand la mécréance est arrivée sur Terre, Dieu a envoyé le quatrième prophète, Nuh, qui est resté 950 ans, comme c'est dit dans le Coran, appelé à l'islam. Et Dieu a anéanti ceux qui n'ont pas cru avec le déluge. Et il a sauvé Nuh et ceux qui étaient avec lui. Sur le bateau. Et après que le déluge s'est arrêté, c'était le jour de Ashura. Ashura, ça vient de Ashara en fait, c'est 10. 10 du mois de Muharram. Et donc, comme on a dit, c'est lundi qu'il est recommandé de jeûner. Wa kadhalika najja Ibrahim min Numrud عندما أراد أن يحرقه. هذا دليل أن النار لا تخلق، الله هو الخالق، خالق النار والإحراق والحرارة والبرودة، والله خلقكم وما تعملون. فلم تحرق سيدنا إبراهيم. aussi سيدنا إبراهيم quand Nimrod voulait le brûler, le feu il l'a pas brûlé. C'était le jour de Ashura. Le feu il l'a pas brûlé car le feu ne crée pas, c'est Dieu qui crée. Le feu et la chaleur du feu et la brûlure, la sensation de brûlure, c'est Dieu qui crée. Chaque chose est créée par Dieu. La froideur, la chaleur, la brûlure, la douleur, tout est créé par Dieu. Ça, c'est la croyance musulmane. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amadoun. C'est-à-dire, Allah vous a créé ce que vous faites. Fi Ashura, najja Allah Sayyidina Younes, min batn al-hout. سيدنا يونس كذلك يعني خطيئته أنه خرج من قومه قبل أن يؤذنه، خرج من قومه قبل أن يؤذنه، فالله ابتلاه يبتلعه الحوت، أن ابتلع الحوت. ما ورد في القرآن يعني سيدنا يونس يعني كان يعلم أن الله قادر على كل شيء وأن الله لا يعجزه شيء، هذه عقيدة كل الأنبياء، هذه عقيدة الإسلام. فلكن خرج من قومه قبل أن يؤذن له، فابتلاه الله تعالى بأن ابتلعه الحوت. عندما أراد ملاحظة، عندما أراد أن يرمي بنفسه ليس للانتحار الأنبياء لا ينتحرون إنما مع اعتقاد أن الله يحفظه. هذا معنى عندما أراد أن يرمي بنفسه من السفينة، ليس للانتحار. سيدنا يونس aussi quand il a été avalé par l'espèce de baleine en fait grande, c'était une épreuve de la part de Dieu. Et bien sûr, quand il voulait se lancer du bateau, c'est pas pour suicider, parce que les prophètes ils font pas le suicide. Quand il voulait se lancer dans la mer, il savait que Dieu le protège. Donc comme Khalid ibn al-Walid, quand il a bu le poisson, Khalid ibn al-Walid, عندما شرب السم الذي يقتل في لحظة, قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم, ولم يحصل له شيء. Khalid ibn al-Walid, quand il a bu le poison qui tue sur le coup, il lui a rien fait. Le poison, il a dit بسم الله, il a fait l'invocation parce que il sait, il a quelque chose, un secret, la protection de Dieu. Et le prophète, quand il voulait se lancer du bateau, il savait que il allait avoir la protection de Dieu. Parce que le prophète, il ne se suicide pas. Suicider, c'est un grand péché. Comme Sayyidina Muhammad, عندما أراد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل, حصل مع اعتقاد أن الله يحميه. C'est arrivé au prophète Muhammad aussi. À un moment, il s'est passé une chose. Il voulait se lancer du haut de la montagne en sachant que Dieu le protège. Ce n'est pas en suicidant. Comme certains, ils marchent sur l'eau, certains grands saints. بعض الأولياء يمشي على الماء. هذا يعني شيء خارق للعادة. Pour les prophètes, cette chose c'est extraordinaire, c'est un miracle. معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء. Et un prodige pour les saints. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.